À l'occasion du 1er janvier lunaire de l'an 106 de Juste 2017, les militaires, travailleurs de divers milieux, jeunes et enfants coréens, ont fleuri les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Devant leur statue érigée sur la colline Mansu, était déposée la corbeille de fleurs envoyée par le respecté dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. On y a déposé les corbeilles et bouquets de fleurs au nom des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, des formations sociales, des ministères et des établissements centraux, des unités de l'Armée Populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, ainsi que des établissements, entreprises, usines, écoles de tout échelon de la ville de Pyongyang. Ensuite, les visiteurs se sont inclinés devant les statues. Les statues en bronze et les portraits en sourire du président et du général érigés dans la capitale, comme à l'université Kim Il-sung, au ministère des Forces armées populaires, au ministère de la Sûreté du Peuple, au centre de création artistique Mansudae, ont été également fleuris. Par ailleurs, les militaires, travailleurs, jeunes et enfants partout dans le pays ont aussi visité les statues en bronze et les portraits en sourire des grands hommes sans égal dans leur région.